catastrophe, elle en a fait une carrière. Quand elle est rattrapée, elle s'étonne encore d'aller terminer sa course dans le décor. Elle a pas encore compris, elle aurait plus de chance de gagner la loterie. La tranche de Noël, le lot d'un milliard que d'obtenir de ta part même un regard. Les catastrophes.